comment l'idée est née finalement de vouloir créer plutôt un salon thé et pas autre chose. Comment est-ce que ta démarche s'est concrétisée en fait ? Alors merci. En fait, ça s'est fait. On a tous les deux vécu à Taïwan, Martin et moi. Je sais pas si c'est déjà allé à Taïwan. Ouais. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, ouais. Trop bien, ça t'a plu ? Taipei, ouais. Okay. Ouais, j'ai bien kiffé. Ah, trop bien. Bah, ouais. Martin, il était étudiant à Taipei. Moi, je montais un projet perso à Taïdong, donc sur la côte est, dans une petite ville. Ok. Moi, je suis resté un an et Martin 6 mois. Et c'était. Moi, j'étais en 2005, donc ça fait un bout de temps. D'accord. Et avant ça, je connaissais pas du tout le thé. Enfin, je connaissais comme n'importe qui. J'avais beaucoup d'idées reçues, tu vois. Je me disais que c'était vraiment un truc pour les femmes un peu âgées qu'on vivait dans de la porcelaine anglaise, tu vois, très traditionnelle. Et là-bas, la famille d'accueil avec laquelle je vivais était en lien avec une maison de thé. Et d'accord. Toutes les semaines, j'allais dans leur maison de thé et j'ai découvert un univers. Une vraie culture. Mais que je ne soupçonnais pas du tout, tu vois. Les familles de thé, l'art de la dégustation, tout ce qu'il y a. Parce que là-bas, c'est très imprégné, non ? C'est très imprégné. Ouais. Et si tu veux, c'est beaucoup plus démocratisé que ça ne peut l'être dans la Chine continentale ou au Japon. Où c'est quand même très ritualisé. D'accord. Là, tu as vraiment des cérémonies du thé si tu en cherches, mais tu as aussi. Tu as dû voir les bubble tea, typiquement, c'est une invention taïwanaise. Donc, tu vois, ils ont vraiment démocratisé la consommation du thé et tout le monde en boit, les enfants, les hommes d'affaires. C'est vraiment leur boisson numéro 1. Ah ouais, c'est vraiment tu peux pas faire, même dans les petites villes, tu peux pas faire 100 pas sans trouver une petite échoppe qui vend du thé. Et en fait, ils font un peu comme les mixologistes, les barman, ils mettent des feuilles de thé avec. En l'occurrence, ils l'infusent déjà. Donc, ils mettent du thé auquel ils vont rajouter, tu as peut-être vu, du gingembre, des citrons, ils te mettent dans un shaker et ils te servent comme ça. Ouais. Et moi, j'ai comme trouvé ça génial. Tête. Mais oui, carrément. Et j'avais pas du tout, on était hyper loin du Earl Grey dans la tasse en porcelaine. Quoi. C'est vrai qu'on est très en retard sur le thé. Ça se rattrape maintenant, mais. Ouais. Et du coup, j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit, mais un jour, moi aussi, je montrais un bar à thé. C'était pas très clair à l'époque. C'était pas clair dans ton idée. Non, mais j'avais vraiment une très forte affinité sur pour le thé. J'étais pas forcément un entrepreneur né. Ouais. T'as fait quoi toi J'ai étudié la politique. Okay. Et Martin a fait une école de commerce. Martin, pour le coup, a vraiment axé son parcours sur l'entrepreneuriat. Et après, on s'est croisés parce qu'on a bossé dans la même boîte. Okay. Et on a bossé ensemble, on s'entendait très bien. Martin avait aussi vécu à Taïwan, il avait aussi développé une affinité et il avait cette fibre entrepreneuriale. Et du coup, on s'est dit que toi, t'avais pas du coup. Que j'avais un peu, mais qui était vraiment sous-jacente. Tu vois, moi, c'était pas du tout mon. Tu vois, j'ai pas fait une école de commerce, donc j'étais pas trop dans. Ouais, c'est clair. Et du coup, nos profils sont hyper complémentaires, de fait. Bah ouais. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et donc, merci beaucoup. On a quitté notre job début 2015 et on a ouvert Kodama le 30 septembre 2015. Ça a mis 9 mois pour développer, trouver le local, 2015, faire les travaux, affiner les recettes, puisque la particularité, c'est qu'on crée nos propres recettes. Ouais, c'est donc, ce que nous disait Martin, c'est voilà, que dans le labo. Exactement, dans le labo, ouais. Okay. Donc c'est vraiment tout le travail de. Tu vois, c'est un travail, c'est hyper artisanal, quoi. C'est comment est-ce qu'on crée des recettes de thé. Et en plus, c'est pas notre bagage à la base. Donc on a tous été étudiés à l'école du thé. Ah ouais, il y a une école du thé, dans le 11e. Okay, c'est très français. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Où on t'apprend et la théorie sur le thé et la pratique. C'est dur combien de temps ? Alors, c'est des modules à la carte. D'accord. Si tu les fais tous, tu peux les faire en un semestre, en gros. Alors, un semestre et t'apprends. Et tu t'apprends tout. Vraiment, c'est pour devenir ce qu'on appelle un sommelier du thé. Et ce local, alors, comment est-ce que... Et ce local, alors là, on en a visité... En fait, on avait un peu... Ouais, on a visité 23. Et on a... Si tu veux, nous, on avait balayé différents... Quartiers. Ouais. Et notre objectif, c'était... On privilégiait vraiment l'emplacement par rapport à l'espace. Si tu vois, c'est tout petit, ça fait 20 mètres carrés, donc c'est minuscule. Ouais. Donc on préfère un petit truc dans une rue piétonne, passante, qu'une grosse brasserie excentrée. Comme c'est un concept nouveau, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui créent leur thé sur place, qui infusent à froid, qui font des thés glacés maison. Les gens ne comprennent pas forcément tout de suite la valeur. On avait besoin qu'il y ait beaucoup de gens à passer pour découvrir, parce que si on était hyper loin, les gens lisent quelque chose et n'arrivent pas forcément à se projeter. Tu vois. Ouais, il fallait qu'ils essayent une fois pour rentrer dedans. Et il nous fallait en plus un espace supplémentaire. Donc ça, c'était le combo idéal. D'accord. Et c'est un peu comme le café, en fait. Il faut vraiment faire goûter les gens comme carrément. Le café spécialisé. Ouais. Pour moi, je les mets un peu sur les mêmes... Ouais, je suis complètement... Mais on se rend compte que... on se croise beaucoup. Nous, ça fait maintenant, du coup, on a fêté nos 2 ans, donc fin septembre. Là, ça fait 2 ans et demi. Et en fait, si tu veux, depuis la première année, on a fait que de salons de thé. Ouais. La deuxième année, on a créé nos thés en vrac. Donc maintenant, c'est notre marque. On vend nos thés. Qui ont tous la particularité d'être des créations maison qui s'infusent à chaud et à froid, donc on peut faire des thés chauds ou des thés glacés. On est dans pas mal de coffee shops à Paris, ouais, genre Passager, on bosse avec Poppy, avec Brown Note, on a pas mal de partenariats avec Lomi aussi sur des opérations, donc on fait pas mal de choses pour les coffee shops qui disent on a du très bon café, du coup on peut pas se permettre d'avoir du mauvais thé. Et en plus, comme il y a une grosse tendance sur la torréfaction un peu artisanale locale, ça les intéresse d'avoir une marque locale de thé et pas juste un gros plus métier ou pas de thé. Ça plaît vachement à la clientèle aussi, parce que quand tu vas dans un coffee shop et tu veux boire du café spécialité, bah, tu as envie aussi de boire du thé entre guillemets de spécialité. Carrément. Ouais, c'est exactement ça. Et on bosse un peu avec quelques restos et 2 hôtels. Ok, donc ça c'est une nouvelle activité. Ouais, carrément. Donc ça vient de se développer maintenant. Ça fait même pas un an qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est encore, c'est encore anecdotique, mais en tout cas, on sent que ça marche bien. Tu vois, on a des bons retours de nos clients potentiels. Effectivement, l'appellation thé de spécialité n'existe pas. On essaie de la faire exister, mais c'est hyper compliqué. Déjà, sommelier de thé. Ouais, déjà, c'est déjà. C'est déjà bien. Mais en tout cas, c'est clair que nos interlocuteurs dans les coffee shops, ils comprennent bien que, effectivement, comme tu dis, il y a du café spécialité, du coup, c'est logique. Donc ça c'est en gros nos 3 activités, le salon de thé, la marque et le travail avec le prof. Chacun une activité. Un peu. Et du coup tu m'as dit que tu avais mis 9 mois. Vous avez mis 9 mois à le monter. C'était quoi tes étapes? Comment est-ce que vous travaillez en même temps? Alors non, on a quitté notre job, donc on était à 100% pour faire ça. Vous étiez quoi, au chômage? Quasiment à 2 mois d'intervalle, on est parti en même temps de notre boîte. Et on a fait pas mal de choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que le temps de trouver le local, c'était hyper élastique, tu vois. Il peut se passer des mois avant que tu trouves vraiment quelqu'un qui te plaît. Et là, c'était pareil pour le local. T'allais vraiment trouver un coup de cœur, quoi. Ah ouais, nous, on voulait vraiment ça. Et du coup, on s'est dit, on le commence maintenant, et puis peut-être que ça prendra un mois, peut-être que ça prendra 9 mois. Tant pis, ça prend un mois, on fera des loyers dans le vent, mais au moins, on aura vraiment. Donc c'était la première étape. Ouais. Donc on a vu pas mal d'agences et celui-là tu vois on l'a eu en juillet pour ouvrir en octobre, donc il y a vraiment une étape perdue, mais bon ça nous a permis de faire les travaux etc. Et encore ça va, je trouve que c'est raisonnable. En parallèle on a fait pas mal, on a fait double travail sur les recettes aussi, et ça on faisait venir des gens pour les tester parce qu'on avait nos goûts personnels, mais on avait vraiment besoin d'avoir un groupe de testeurs. Ouais, exactement. Donc ça on a fait sur nos réseaux. Après on a fait aussi en parallèle toute la partie administrative, tout ce qui est rédaction des statuts, cabis, etc. Et on avait ça, c'était pas ta partie ou on le faisait tous les deux et en fait si tu veux on est en tant que chômeur créateur d'entreprise, on bénéficiait d'un accompagnement PIE par Initiative Entreprendre. C'était trop bien, enfin, pour le coup ils nous ont déblayé plein de trucs et ils nous ont même en termes de fonds, c'est pas mal. Et aussi voilà, on a eu un prêt d'honneur. Et après donc ça c'était vraiment les premiers mois. Après donc il y a eu tous les travaux sur le local pendant l'été. Vous avez fait comment, à la mano ou... Non, on a bossé avec un entrepreneur qui a tout fait. Et vous n'avez pas eu de problème parce qu'en général Non, ça va. Ça a mis plus de temps que prévu, mais bon, ça c'est tout le temps, c'est la règle. Et on a fini avec les 2 derniers mois, en gros. On a fait tout ce qui est dépôt de marque, brevet. Voilà, INPI, des trucs comme ça. Et on a vous avez une licence pour. Non, vous en combien de l'alcool, il n'y a pas de licence. Et on a fait. Il y avait tout le travail ça avec les fournisseurs, ça a été très élastique aussi. Puisque si tu veux, comme on travaille beaucoup avec le Japon et Taïwan, les échanges sont extrêmement longs. Et du coup, ça a mis aussi beaucoup de temps. Et vous donc, saviez exactement quel fournisseur? Taïwan, on savait, parce qu'on les connaissait, sur place, on s'est retourné. Japon, on hésitait entre. Le Japon bosse beaucoup par coopérative. pour ça qu'on arrivait à bosser avec eux, parce que sinon on ne pourrait pas avoir les mêmes quantités. Et du coup, on avait retenu plusieurs coopératives, donc c'était vraiment. Après, c'est du test, enfin, c'est comme quand tu fais la dégustation. Et à la fin, toute fin, genre 3 semaines avant d'ouvrir, on a fait une campagne de crowdfunding par. Par laquelle ? Kiss Kiss Bang Bang. Qui était un peu, si tu veux, notre opération de com avant l'ouverture pour dire aux gens voilà, on se lance les derniers fonds. C'était pas tant pour avoir des fonds que pour communiquer. Juste pour ça, on avait demandé un tout petit montant. Et en gros, c'était acheter votre thé, acheter votre boisson, votre goûter en avant-première. Ouais. Et nous, ça nous permettait de prendre la parole dessus. Et ça a bien marché puisqu'on a eu une grosse visibilité. Okay. Et si tu veux, c'était un moyen de recruter nos premiers clients. Quoi. Même si c'était des gens de notre réseau, c'était quand même bien de prendre la parole là-dessus. Bah après, tu as beaucoup de bouche à oreille qui peut fonctionner. Ouais, tu contribues à la viralité du truc. Carrément. Et puis c'est le nerf de la guerre pour le coup, le bouche à oreille. C'est bien. Aujourd'hui, tes clients, tu les as comment du coup ? Bon, après, tu es dans un quartier qui est quand même touristique. Et... En fait, en semaine, c'est beaucoup une clientèle de quartier. Ouais, donc dans ce quartier-là. Et si tu veux, il y a beaucoup de freelance. D'entrepreneurs, de bureaux, d'agences, qui sont des petites structures qui n'ont pas de cafétéria. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici à partir de 4 heures, qui font leur pause, qui font leur rendez-vous ici. Ok. Comment tu deals par contre avec les gens qui se posent pour un thé et qui te prennent la place pour c'est un peu le nouveau problème carrément, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espaces de coworking. Bah nous les gens jouent le jeu globalement. C'est très rare qu'une personne squatte pendant 4 heures en buvant. C'est vraiment, ça a dû arriver 2-3 fois, mais vraiment. Je pense que ce qui est aussi intéressant dans ce concept, c'est que ça fait salon thé, mais ça fait aussi un peu boutique, entre guillemets. Du coup, les gens ne peuvent peut-être pas non plus rester 4 heures. Ouais. Les gens se projettent moins, ça fait pas espace de coworking. C'est vrai qu'il y a des coffee shops qui galèrent vraiment. Là, c'est marrant parce que ce matin, j'étais chez Unicorner. Je connais. Et pour le coup, eux, je me dis, ils sont obligés de faire une tarification à l'heure. Sinon, c'est impossible. T'as trop envie de te poser des heures. C'est hyper lumineux au plafond. T'as ta table dans ton box. Enfin, tu veux juste te poser. Mais du coup, derrière, en termes de rentabilité, c'est compliqué. C'est un autre business model. Ouais. Et du coup, toi, en termes de gestion, vous faites comment pour gérer au quotidien? T'as eu du mal au début ou tu t'es adapté facilement? Ça va, ça s'est fait vraiment. C'était pas du tout du métier de base. Non, pas du tout. Ça s'est fait vraiment. On a vraiment appris sur le tas, tu vois. Mais comme pas mal de gens, je pense. Ouais. On n'était pas commerçants, on n'était pas artisans, on n'était pas restaurateurs, donc on a vraiment appris plein de casquettes d'un coup. Avec de l'aide ou... Ben, on a eu de la chance. En fait, ce qui est assez fou, c'est que quand on a ouvert, juste après avoir ouvert, il y avait des travaux qui étaient faits au bout de la rue par ce qui est devenu maintenant la maison du saké au 11 TikTok. Ah oui, je les ai vus. Et trop sympa. Et en fait, la personne qui dirige cet établissement venait tout le temps ici, tous les jours. Pendant les travaux. Okay. Et lui, c'est l'ancien, tu vois. C'est vraiment, il a fait plein de trucs, plein de métiers différents. Il s'y connaît hyper bien sur le commerce, la restauration. Et il nous a vraiment, ça a été un peu notre parrain. Mentor. Ouais, carrément. Donc il y a plein de choses sur lesquelles c'était au moment où vous alliez ouvrir. On avait déjà ouvert. Vous avez déjà c'était vraiment le métier qui rentrait. Okay. Il nous a vachement aidé là-dessus. Mais c'est en amont, nous, on ne savait pas trop comment se préparer. Ouais. On ne connaissait pas dans notre réseau, on n'avait pas de commerçants artisans. Donc c'était vraiment. On s'est lancé, ça c'était un peu inconscient. Après, c'était pas dramatique, puisque de toute façon il n'y avait pas de gros enjeux, et ça s'est fait petit à petit. Quoi. Et aujourd'hui, vous êtes bien? Aujourd'hui, on est très content, carrément. Okay. Bon, donc c'est cool. Après, ça reste petit. Ouais. On est trois associés, on n'a pas de salariés. Vous n'avez pas de salariés, non. Ça c'est quand même. Bah ouais. Donc nous, pas la galère des papas. Ouais, c'est clair, très clair. Nous, on met entre guillemets salaire dans le sens où c'est la boîte qui nous paye. Mais après, on n'a pas. Oui, vous versez des salaires, ouais. Ça déjà. Donc c'est déjà super bien. Après bien, deux ans, c'est cool. Quoi. Ouais, carrément. Et là, l'activité, bon bah voilà, elle se développe, on est confiant, on a encore envie du boulot, c'est évident, mais. Bien sûr. Et là, c'est en train de se développer. Donc là, t'espères finalement des projets futurs assez ambitieux ou... Bah en fait, si tu veux, ça va être vachement une question de... En gros, ça va être vraiment nos axes de développement. Ça va être... on va continuer ce qu'on va faire. Donc, ce lieu, on continue à le faire, on continue à créer des thés avant de noter en vrac, à faire une activité de salon de thé, bar à thé. On continue de travailler avec les professionnels. Ok. Et après, si tu veux, les deux gros axes de développement, c'est un, le e-commerce. Ouais. Et deux, c'est est-ce qu'on décide un jour d'ouvrir une deuxième boutique. Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'on reste sur cette boutique-là et on travaille plus la marque. Okay. Et ça, pour le coup, on n'a rien décidé. Tout est ouvert, tu vois. C'est une question aussi d'opportunité, de rencontre. S'il y a un super local, ou alors si tu tombes sur un super local. Ouais, carrément. Ou si on trouve un super distributeur qui veut proposer nos thés. Enfin, vraiment, pour le coup, on préfère rester à l'écoute, pas avoir de plan précis. Ouais. Comme ça, ouais. On peut toujours saisir l'opportunité qui se présente. Ouais, puis ça vous laisse plus de spontanéité dans votre carrément, projet, carrément. De ne pas avoir toute la pression. Oui, c'est clair. Et comme il n'y a pas d'urgence, comme ça va, on est content et que ça se passe bien, on n'a pas non plus à décider maintenant. C'est ça, le problème se serait posé si vraiment il y a eu des difficultés. Carrément, il aurait fallu réorienter. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, là on est content. Oh, bah, c'est cool. Touche du bois. Je touche pour toi. Et l'image de Codema. L'identité visuelle, etc. Comment est-ce que tu l'as trouvé ? Alors ça, on a travaillé avec une agence. Okay. Pour le coup, alors moi, je suis vraiment très mauvais là-dessus. Martin est fort, donc c'est bien. Moi, je suis plus sur les mots et Martin sur les images. Et, ah, mais c'est bien. Oui, c'est à nouveau complémentaire. Et on a travaillé avec une agence qui s'appelle Angstrom. Qui est, ouais, ils font beaucoup de, ils sont beaucoup dans l'univers de la beauté, du luxe. Qu'est-ce que tu voulais retranscrire? Bah en fait c'était une opportunité parce que c'est des gens qui font partie de notre réseau. Okay. Et en gros si tu veux c'était un moyen de travailler avec une agence sans se saigner parce que ça coûte très cher si tu veux travailler avec des gens qui sont compétents. Ouais. Et du coup c'est eux qui ont fait tout le design des boîtes, du logo. Okay. On a travaillé avec un scénographe aussi pour le lieu, donc. Un scénographe. Qui fait il fait vraiment de la mise en scène pour des boutiques, des vitrines, des choses comme ça. Ouais. Lui qui a eu l'idée par exemple de faire ce mur où tout est modulaire en fait, tout est c'est 100% sur mesure, tu peux enlever les tables, enlever les blocs. Donc tous les mois on change un peu l'organisation. Du coup ça renouvelle un peu carrément. En fait, tu vois comment les gens sont hyper fidèles ici. Semaine, c'est vraiment ils aiment bien, on a une petite notoriété, mais les gens qui nous connaissent nous aiment beaucoup, donc c'est trop bien. On est hyper contents parce qu'en plus ça permet de connaître des gens donc c'est important de, au même titre qu'on fait un thé du mois qui change tous les mois, même titre que la carte des infusions à froid elle change à chaque trimestre, et bah l'univers on essaie aussi de changer un peu la disposition pour pas être sinon c'est toujours la même chose, toujours statique. C'est normal, ouais, c'est normal, ouais, non, d'être toujours dans le renouvellement, c'est hyper cool. Oui, c'est super sympa. Et du coup, pour ta communication, tu t'y es pris comment ? Alors ça, on passe de manière assez classique. On bosse avec les gros réseaux sociaux, donc avec surtout Facebook et Instagram. C'est toi qui fais C'est nous qui faisons à la main. On a une photographe qui est venue deux fois, qui nous a fait très belle photo. Ouais, voilà, chaque année elle fait une grosse série de shoots, elle nous envoie comme ça une soixantaine de photos, et comme ça nous ça permet de pas être juste avec notre petit iPhone pour faire des photos. On ne dit pas que ça, parce qu'il faut aussi que ce soit des trucs un peu, faut pas que ce soit trop propre, et puis sinon c'est pas un magazine mais du coup ça nous permet d'avoir une bonne base de données. Et puis après on n'a pas trop communiqué, on n'a pas fait tout ce qui est, tu vois, des RP, des choses comme ça. Ouais, vous n'êtes pas passé par l'agence. On a eu la chance d'avoir des belles retombées. Naturellement. Ouais. En fait, si tu veux, à la deuxième semaine après l'ouverture, on a eu un article dans My Little Paris. Et ça, c'est ouf, ça fait une visibilité de dingue. Ouais. Et du coup, ça nous a amené d'autres après, ça nous a amené Elle, ça nous a amené Télérama. Voilà, c'est un cercle vertueux, plus t'en as, plus t'en as. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas éprouvé le besoin de le faire. Après, on a fait des choses, mais plus personnelles. Ouais. On a travaillé avec des marques qu'on aime bien, tu vois. Soit parce qu'elles venaient nous voir, soit parce qu'on allait les voir. On a travaillé, par exemple, des petites choses. Par exemple, on a travaillé avec un artisan qui fait que du cuir et qui fait notamment des manchons pour les gobelets, qui s'appelle Stripes. On a fait un partenariat avec lui, on a travaillé avec un metteur en scène qui fait une pièce, on a vu beaucoup de théâtre, on avait créé une troupe ensemble avec Martin. Ah, c'est marrant. Et on a travaillé avec des marques plus connues, on a travaillé avec les bougies Cire Trudon par exemple, on a travaillé avec Lab qui fait de la lingerie d'intérieur. Donc on a fait. C'est vraiment, voilà, plus plutôt que de faire vraiment des trucs RP, on préfère faire des petits partenariats où tout le monde est gagnant, on parle de quelqu'un qu'on aime bien, qui parle de nous, et nos communautés se croisent. Et ça se matérialise comment? C'est que tu déposes ici par exemple des bougies on a fait des posts par exemple à Noël, on avait fait un calendrier de l'Avent où toutes les semaines il y avait quelque chose à gagner. Donc on a fait gagner des places de théâtre, on a fait gagner justement ce fameux manchon de cuir. Et puis après on commence tout doucement à faire un peu de co-branding. Donc là par exemple on est en train de travailler avec une marque de bière qui veut faire infuser nos thés dans ses bières. Donc on fait une bière au thé. Donc ça. T'as goûté ? Bah on est en train de faire les tests. C'est en plein brassin, hein, on va voir. Mais du coup on commence aussi. C'est un autre parti pris, hein, mais d'essayer de faire des coproduits pas gratuits, il faut que ça ait du sens. C'est des petits brasseurs artisanaux à Orléans, c'est vraiment. On fait la même chose, c'est juste que. Fais pas avec Heineken, quoi. Voilà, ça aurait pas de sens. C'est clair. Et pareil, on se dit avec quelle marque on peut le faire. Il y a une marque qu'on aime énormément qui s'appelle Papier Tigre, qui fait de la papeterie. Oui, Papier Tigre. C'est une marque qu'on adore, on n'est pas encore allé voir, mais quand on leur en parle, on adorerait, tu vois, faire une étiquette spéciale, Papier Tigre, ça serait trop beau. Ah, c'est souvent. Et puis on aime beaucoup, tu vois, les origamis, on est vachement dans ce travail. Parce que le scénographe, il a fait la partie plutôt aménagement et la partie déco. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Ouais. Martin est hyper bricoleur. Ouais. Voilà, les origamis, c'était les miens. C'est Martin qui a fait toutes les étagères là. Ah oui, d'accord. Les arbres, donc après, ça, on a fait à la main l'étagère en fusion. Ouais, il a fait la partie dure, permanente. Ouais, c'est ça, l'aménagement, espace intérieur. Voilà, et les choix des matériaux. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes seul sur ce segment. Parce que je connais pas d'autres. Alors en fait, si tu veux, donc nous on a deux activités, l'activité baraté qui est ici et l'activité marque de thé. Marques de thé, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Après, des marques de thé artisanales comme ça qui fabriquent leurs propres recettes, moi j'en connais pas, je dois y en avoir, hein, mais ça, comme c'est des toutes petites marques comme nous, peut-être qu'on les connaît pas trop. Et après, des bars à thé, il y en a quelques-uns. Il y en a des assez chouettes. Il y a tous les bubble tea, bon, c'est un produit, mais ça reste quand même un peu des bars à thé. Il y en a un aussi, boulevard de Sébastopol, très sympa, qui s'appelle Eden Joy, par deux gars, très chouette. Ah oui, j'ai vu, mais j'ai cru qu'ils étaient fermés. Ah ouais? Peut-être qu'ils étaient fermés pour travaux. Ah oui, peut-être. J'y suis pas retourné en 2018, mais en tout cas, je suis allé voir plusieurs fois et très sympa. Et eux, tu vois, ils font des gobelets de thé à emporter, tu vois, un peu comme un Starbucks du thé, c'est vraiment c'est ta boisson avant. Eux, ils sont ouverts le matin, tu vas prendre ton thé, tu vas bosser. Très chouette. Très sympa. Mais après, voilà, ça reste encore un peu anecdotique parce que autant sur le thé, maintenant c'est vraiment en train de développer le café de spécialité et les coffee shops. Autant sur le thé, pour l'instant, c'est en train de prendre, mais on est vraiment. Et pourtant, ça peut s'appeler quand même beaucoup. Oui, carrément. Je pense que ça va venir. Je pense que après, la France, tu vois, on reste un pays de buveurs de café. Tu vois. Là, on avait regardé des statistiques, il y a 2 personnes sur 3 qui boivent du thé au moins une fois par semaine. Mais ce qui est pas mal, mais sur ces personnes, t'as 80% qui boivent du café. Pour le coup, tu vois, nous, on n'a pas de parti pris. Nous, on boit du café. Et on ne veut pas du tout devenir des ayatollahs du thé en disant « Attends, tu bois pas du Darjeeling, première récolte et tout. » C'est pas du tout notre délire. Ouais, non, c'est pas on considère qu'on... Et c'est pour ça aussi qu'on fait des thés avec d'autres ingrédients. Tu vois.